Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Morica comme tous les vendredis soirs à partir de 19h et on est là ce soir pour écouter encore plein de bonnes musiques de vrais artistes, hein. pas ceux qui enregistrent un disque et puis qui font jamais de concert, mais ceux qui répètent, ceux qui tournent, ceux qui enregistrent en plus, qui font tout par leurs propres moyens en plus souvent qui viennent aussi dans l'émission Morica parce que l'émission Morica reçoit ici des gens tous les vendredis et ce soir il y aura pas des gens dans le studio mais il y aura quand même un groupe qui va intervenir tout à l'heure. Alors je vais vous en parler tout à l'heure hein, un petit peu plus vers les 20h nous aurons un groupe qui va intervenir par téléphone, on va faire un phoneur. Pourquoi ? Parce que c'est pas un groupe de la région. Par contre il sera présent à Orléans dans quelques temps, on va en parler d'ici là et ça sera l'occasion d'aller les voir si vraiment ça vous plaît en tout cas. On a commencé cette émission avec El Coyote qui nous a souhaité une bienvenue, donc welcome, bienvenue dans l'année 2025. Au fait, bonne année à tous hein, puisque là c'est la première émission de l'année 2025 donc pour Mavrica et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous en avez bien profité. J'espère que l'année 2025 a bien commencé, en tout cas j'espère qu'elle va se continuer très rock'n'roll. Vous savez, dans l'émission Mavrica on aime beaucoup le rock'n'roll, on aime bien la musique en général et on essaie de sélectionner les meilleurs morceaux des meilleurs artistes pour passer un bon moment ensemble. 3 heures de musique jusqu'à 22h, donc on a commencé avec El Coyote, on a poursuivi avec Twister Cover, avec Falling Rain et juste après il y avait le groupe Sonic Lag qui leur a répondu en disant I can't stop the rain, voilà. J'avais pas fait exprès, hein, c'est tombé comme ça. On a écouté un instant le groupe Seeds of Mary, donc avec un morceau qui s'appelle Amor Fati, et justement c'est ce groupe là qui interviendra tout à l'heure à 20h, Seeds of Mary, qui sera en concert ici à Orléans le 25 janvier, donc allez-y. Alors ce que je voulais vous dire aussi c'est que aujourd'hui c'est la première émission de Mavrica, mais pendant 3 semaines je serai pas là parce que j'ai d'autres choses à faire le vendredi soir, c'est comme ça que ça s'est mal goupillé cette année. Alors souvent il y a des choses que je veux pas louper à aucun prétexte et quand ça tombe le vendredi, et ben là j'ai vraiment pas le choix. Donc vous inquiétez pas, tous les vendredis il y aura Manu qui va nous programmer une playlist avec tous les artistes de l'émission Mavrica. Comme ça, même si je suis pas présent, je serai quand même un petit peu présent avec vous grâce à la technologie, grâce à la magie de la technologie. Voilà, on est en 2025 aujourd'hui. Et puis donc je vous souhaite à nouveau une très bonne année. On va poursuivre avec un groupe qui était venu il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le groupe s'appelle Sky Girl et on va écouter un morceau qui nous invite à aller en enfer, voilà. Going to Hell. Vous êtes dans l'émission Mavrica, c'est sur Radio Arc-en-Ciel et nulle part ailleurs. Alors restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 22h. Plaisir, c'est de voir aussi que les habitués sont déjà là. Vous pouvez aller nous rejoindre sur Facebook et mettre des petits messages, ça me fait toujours plaisir. Puis j'essaie de vous répondre au fur et à mesure, hein. Sachant que je fais l'émission, des fois il faut tarder un petit peu, mais vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde. Et en tout cas, on est ensemble jusqu'à 22h pour écouter de la très bonne musique. Et on va écouter donc le groupe Skydroll avec Going to Hell. Wait for the falling, what is it? Life is so precious, a miracle on earth's paradise, yeah. Yet I'm so anxious and unable to understand the ride of bullshit. Devastated land. No, no, no, no, no, no. I cannot believe without reason to this lost land. No, no, no. Time of the Merci d'être toujours aussi fidèle au rendez-vous de la semaine. Le vendredi soir à partir de 19h, c'est l'émission Mavrika. Nous diffusons donc des artistes de la région. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va avoir une petite interview à partir de 20h avec le groupe Seeds of Mary. Voilà, un groupe de la région de Bordeaux qui sera présent pour un concert ici à Orléans le 25 janvier. Voilà. En tout cas, merci de nous écouter, merci d'être toujours fidèle à cette émission et on vous souhaite déjà une excellente Mavricanée puisque c'est la première édition de l'année 2025. On a écouté plusieurs artistes à la suite. On a écouté Skydroll avec Going to Hell, le groupe Last Rider avec No Way Out, Orphan Black avec Inner World, Prisma à l'instant qu'on écoute actuellement. C'est avec un titre qui s'appelle Burn the Ground. Et juste après, on va rejoindre Arnaud Walden avec son trio acoustique Once Upon a Time. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. time. Not long ago, we used to run in our land. We used to walk hand in there are no more heroes. Trust me, but be certain. voilà, ce soir je vous gâte, je vous passe des morceaux que j'aime beaucoup, hein. C'est vrai que, et en plus celui-là particulièrement, donc c'est le groupe BRS avec Nothing. Juste avant c'était The Brunettes avec un morceau qui avait été enregistré spécialement pour l'émission Maverica, hein. Ça s'appelle Lover Song et ça avait été enregistré dans le studio des Chili Dogs justement, qu'on écoutait juste avant avec un morceau qui s'appelle Something Must Change. Voilà, ça fait un petit moment qu'il le chante, peut-être ça sera en 2025 qu'il y aura vraiment du changement. En tout cas, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel avec Albino jusqu'à 22h et dans quelques minutes, nous aurons Seeds of Mary qui en interview par téléphone, un groupe qui est du côté de Bordeaux et qui sera présent le 25 janvier au Dropkick à Orléans. En attendant, on va écouter un autre groupe que j'aime beaucoup aussi, avec une très belle voix aussi. Il s'agit du groupe Jash et le morceau qu'on va écouter s'appelle Rosa. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maverica. Yeah! falling down. I'm feel so empty. I wanna find still alive. I feel I'm going down. Yes, I'm going down. I'm dreaming again. Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika tous les vendredis à partir de 19h, on est ensemble jusqu'à 22h et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, habituellement dans l'émission Mavrika, on aime bien recevoir des artistes dans les studios et aujourd'hui exceptionnellement nous allons faire une interview avec un groupe qui n'est pas de la région, c'est pour ça, mais très bientôt il sera sur Orléans et on va tout de suite commencer à discuter avec eux, hein, je sais pas. Allô, bonsoir. Salut Albino. Bah, impeccable, ça marche du premier coup, dis donc. Des fois, on a des petits soucis, mais effectivement, ce soir, on avait prévu de faire une interview par téléphone parce que vous allez passer bientôt sur Orléans pour faire un concert. Et en plus, on s'est dit, tiens, le mieux, ça serait d'essayer de vous faire venir dans les studios. Mais comme vous n'êtes pas de la région, c'est pas toujours évident. Donc, on s'est dit, on va faire un phoneur dans un premier temps. Et puis, peut-être un jour, viendrez-vous dans les studios pour nous parler un peu plus profondément du groupe. Ben écoute, ce serait super, ouais, avec plaisir. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas du coin, on est du côté de Bordeaux. Donc pour une interview, hein. C'est pas évident. Enfin, après, ce qu'on peut déjà annoncer dès maintenant, c'est que vous êtes en concert le 25 janvier, c'est ça, au Dropkick. Ouais. Avec deux autres groupes, il y aura le groupe Lizard et il y aura aussi un groupe que nous connaissions bien ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit du groupe Esprit d'Escalier qui fait déjà partie de la Mavrika's Family, donc un groupe qu'on a déjà reçu et avec lequel on avait passé un bon moment. Donc vous les connaissez déjà ces groupes-là, non ? Écoute, Lizard, oui, on a déjà fait plusieurs dates avec eux, et là, on est dans une optique d'organiser pas mal de plateaux avec eux, là, en 2025. D'accord. Et Esprit d'Escalier, on les connaît que via réseau et tout ça, donc on est rentré en contact avec eux pour monter cette date, mais on les a jamais rencontrés. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on communique autour de la date, il y a plein de gens qui réagissent, plein de gens du coin qui réagissent pour dire à quel point c'est super et comme ils sont cool et tout ça. Donc, bah, écoute, on a hâte de les rencontrer, en vrai. Très bien. Donc, on va parler un petit peu du groupe Seeds of Mary. C'est un groupe qui existe depuis combien de temps? Ça fait un petit moment, la date de création exacte, c'est fin 2011, donc ça date, sachant qu'il y a eu beaucoup de changements de line-up, pas mal de temps pour trouver la direction artistique et tout ça. En tout cas, le premier album qu'on a sorti, qui est vraiment le moment où le groupe s'est un petit peu trouvé et tout ça, et a commencé à vraiment trouver sa voix, c'était 2015, le premier album. D'accord. Donc ouais, ça fait une dizaine d'années que c'est vraiment actif. D'accord. Alors, vous faites de la musique, c'est du rock'n'roll, on va dire, assez dynamique. Comment vous pourrez qualifier votre musique ? Écoute, nous, on dit de plus en plus métal alternatif. D'accord. On était avant dans rock, métal alternatif. C'est vrai que plus ça va, plus on se dirige vers quelque chose de métal. C'est vraiment quelque chose qu'on recherche. On avait notamment sur cet album, on voulait aller vers quelque chose de plus brutal. Donc voilà, on utilise de plus en plus cette étiquette métal alternatif. D'accord. Le groupe est composé de 5 personnes, c'est ça ? C'est ça. Tu peux nous énoncer les... Ouais. Donc il y a Julien à la guitare qui est le principal compositeur et qui s'occupe pas mal de toutes les parties visuelles. Tom, guitare et deuxième voix. Clément à la basse et Aaron à la batterie et moi-même Jérémy au chant. D'accord, très bien. Alors vous allez venir ici, c'est la première fois que vous venez sur Orléans, non ? Non, on était déjà venu il y a quelques temps au Dropkick. D'accord. Et on avait joué avec des locaux, j'ai plus leur nom, je m'en excuse, et on avait trouvé la salle super, et voilà, ça avait été une soirée pas folle en termes d'affluence, donc on s'était dit quand même il faudrait y revenir avec une soirée un peu plus un plateau un peu mieux préparé, plus de com et tout ça, parce que la salle est quand même vraiment cool, donc voilà, on espère que cette fois on va remplir le bazar. D'accord, bah j'espère bien, parce que c'est vrai que c'est une belle salle, c'est un endroit sur Orléans, il y en a pas beaucoup où les groupes peuvent venir jouer, donc il faut quand même le citer, hein. Il y a quand même, heureusement qu'il y a le Dropkick, qui est le bar rock de la région orléanaise, hein, en plein centre-ville, donc et là ce qu'il faut, c'est vraiment qu'il y ait du monde, quoi. Ouais, c'est un vrai petit club avec du matos et tout, donc ouais, non, vous avez de la chance d'avoir ce noix en plein Bordeaux, on a plus ça, tu vois, ça n'existe plus, d'accord. Une salle un petit peu équipée comme ça et tout, avec 200-300 places, c'est vraiment ce type de lieu un peu intermédiaire qu'on a plus du tout dans le centre, et c'est assez dommage, quoi. Ouais, parce qu'après il y a une vas-y c'est assez précieux, ouais, ça se fait rare en France dans les centres-villes de trouver ce type de club, ouais. D'accord, parce que c'est vrai que souvent dans les centres-villes, de plus en plus, on a les petits bars, hein, donc pour les trucs vraiment très intimistes. Après, il y a les grandes salles, et puis des fois, c'est pas évident. Donc les salles comme ça, intermédiaires de 200 personnes, 200 et quelques personnes, ça c'est vraiment bien, parce que et puis c'est pareil, quand on a une salle qui fait 200 personnes, normalement sur Orléans, on devrait quand même pouvoir les remplir. Hein, voilà. Très bien. Excellente nouvelle, sachant que Lizard est quand même un groupe qui bourlingue beaucoup, il tourne beaucoup à l'étranger, pas tant que ça en France, mais c'est vraiment super. Je vous encourage à venir découvrir si vous connaissez pas. Et puis Esprit d'Escalier, vous les connaissez tous, donc faut tous venir les voir, les revoir. Ouais. Faut aller les voir, aller les revoir, parce que bon, c'est bien, on est à la radio, on diffuse des morceaux, on fait découvrir les artistes aux auditeurs, mais comme je dis souvent, allez au concert, vous allez voir, c'est une autre dimension encore, c'est quelque chose. On la vit, il y a vraiment les gens qui sont là, il y a vraiment des bons moments à passer, à aller au concert. Donc c'est vrai que on est un petit peu en hiver, on est un petit peu frileux, on a un petit peu de mal à sortir, mais il faut faire l'effort, et puis une fois qu'on est sur place, ben on n'a plus froid, on n'a plus rien du tout. Voilà. Ce que je voulais dire, ah ouais, vous étiez aussi vous faites aussi une petite tournée là, j'ai vu, du côté de l'Espagne aussi. Un petit peu, ouais, en février, ouais, on va aller en Espagne pour la première fois, ouais. Donc ouais, on a 3 dates. Et voilà, il y a pas mal de choses assez chouettes pour 2025, on est toujours dans le booking et tout ça. Mais il y a pas mal de choses très chouettes qui se profilent. Donc c'est cool, je pense que ça va être un bon cru 2025 pour nous. Ouais. D'accord, comment vous pensez que les Espagnols perçoivent les groupes français ? Écoute, c'est une excellente question. Pour être allé déjà plusieurs fois en Espagne, j'ai pas trop pris le temps de parler musique avec eux. Je t'avoue que je ne sais pas trop. C'est vrai que pour la France, c'est quand même ça vaut le coup de tenter l'expérience parce que c'est pas très loin et que voilà. Mais je pense que tout ce qui est punk et tout ça doit bien fonctionner là-bas. Pour notre style de rock, j'avoue que j'en sais trop rien. Mais écoute, on va voir. Ça va être un dépucelage avec tout ce que ça, tout ce que ça sous-entend d'inconnu et d'imprévu. Donc on va voir. Et je te ferai un petit rapport lors d'une prochaine venue dans l'émission. Ouais, y a pas de souci. Ouais. Très bien. Alors là, 3 dates en Espagne. Est-ce qu'il y a d'autres dates aussi en France que vous allez faire? Ouais, écoute, il y a 3 très chouettes dates en mars, donc plutôt côté nord, dans les alentours de Lille et tout. On fait une espèce de mini-tour par là de 3 dates, donc je crois que c'est les 13, 14, 15 mars de mémoire, il me semble. 3 dates avec Black Bomba, donc ça c'est super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai plus trop en tête, mais là on a quelques festivals qui sont en train de se caler pour l'été, donc je peux pas en dire trop pour l'instant parce que c'est encore en négociation. Pareil, d'autres petits plateaux avec Lizard aussi qui se calent à droite à gauche. Donc voilà, pour l'instant c'est encore un peu flou et je peux pas trop communiquer dessus, mais il y a des choses qui se préparent, sachant qu'on vient de signer avec un tourneur il y a quelques mois là qui commence à nous faire tomber quelques dates et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses en cours actuellement, mais qu'on annoncera, on va très bientôt faire un communiquer autour de toutes nos dates de tournée de l'année de toute façon. Donc j'invite tous les auditeurs à nous follower. Voilà, pour très bien. Donc, pas en rater une miette. Alors, Seeds of Mary, alors qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Alors, moi j'ai regardé quand même. Hein. Ça veut dire les graines de Marie. Oui. Donc, ça peut évoquer pas mal de choses, à la fois la fumette, où il peut y avoir un rapport avec la religion et tout ça. À la base, c'était purement esthétique. C'est vrai que. D'accord. Moi, je fais pas partie de ceux qui ont choisi le nom, mais je crois qu'ils ont fait une espèce de cadavre exquis, tu vois, avec des associations de mots qui trouvaient bien fonctionner ensemble et tout ça. Et ils nous ont proposé celui-là, puis on s'est tous dit que c'était cool. Et avec le temps, on a un peu développé, un peu toute la, au niveau des textes et tout, et des ambiances, toute la symbolique que sous-entendait cette association de mots, donc à la fois le côté seeds, les graines, donc on parle pas mal de rapport entre l'homme et la nature et tout ça, et Marie pour un côté plus spirituel et tout, donc avoir une approche un peu, spirituelle, philosophique de l'existant et tout ça. Donc on essaye de manier un peu ces différentes idées dans les textes et dans les ambiances des morceaux, quoi. D'accord, très bien, merci pour l'explication, parce que c'est vrai que Seeds of Mary, on peut le traduire, mais on ne connaît pas exactement la signification, et là, tu nous as éclairé un peu plus, donc très bien. Quelles sont les deux couleurs qui illustreraient le mieux votre univers? Deux couleurs, vraiment, les couleurs rouge, vert, bleu, etc. Ouais, bah écoute, j'ai envie de te dire le violet déjà, ouais. Parce que sur notre précédent album, c'est la Dipity, on a fait notamment un clip où on se faisait asperger de peinture violette et tout ça. D'accord. Et je vais dire le blanc, écoute, si ça changera du noir des métalleux, donc on va partir sur le blanc. Ouais, c'est vrai que ça revient souvent, c'est la couleur du rock'n'roll, la couleur du rock, du métal. On a le parti pris là depuis 2 albums et même l'EP avant, nos pochettes sont blanches à chaque fois avec un dessin dessus, mais parce qu'il y a un truc, déjà on a cette volonté de se démarquer un peu, et puis il y a un truc, c'est con, mais dans les bacs de disques ou même sur internet, il y a un truc qui accroche plus le regard. Donc c'est une démarche un peu opportuniste, mais qu'on trouve intéressante aussi esthétiquement, parce qu'il y a quelque chose d'un peu différent, quoi. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui Bon, j'avais une phrase, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Quelles sont vos influences au niveau de, en termes de, quels sont les artistes qui vous ont influencé dans le style de musique que vous faites? Voilà. Écoute, je vais te répondre ce que te répondent sans doute beaucoup de groupes, mais elles sont extrêmement variées, et parce qu'on écoute tous un petit peu de tout, mais si on devait vraiment avoir un truc un peu commun entre nous tous, on nous rattache énormément à Alice in Chains, qui est un groupe qu'on adore, mais dont on a de plus en plus l'impression de se démarquer, et il n'y a rien à faire, là, toutes les chroniques autour du dernier album, c'était systématique, on nous rattachait à Alice in Chains, donc je pense vraiment que c'est la question, vu qu'on utilise beaucoup d'harmonie vocale et tout ça, ça doit beaucoup venir de ça, mais voilà, on aime tous beaucoup Alice in Chains, les Beatles, Marilyn Manson, j'ai perdu un nom, David Bowie, tu vois, donc c'est vraiment l'espèce de peau pop et métal des années 70 jusqu'à nos jours pour brasser large, et après on écoute tous des choses très différentes, donc ça va du rap à la folk music en passant par la soul, voilà, c'est vraiment une question qu'on se pose pas trop, et les choses jaillissent un petit peu d'elles-mêmes dans le processus, donc c'est pas mal Julien le guitariste qui compose un peu en fonction de sa sensibilité et aussi en fonction de bah, de nos discussions dans le camion et tout ça, il arrive à capter un peu l'humeur vers laquelle on a envie d'aller avec le temps et tout. Donc il nous propose des morceaux et après chacun arrive avec sa sensibilité pour amener ses propres couleurs et ses propres propositions quoi. Et c'est vrai que la question du style, c'est aussi pour ça qu'on a du mal à se qualifier nous en termes de genre, c'est qu'on se la pose pas tant que ça. On sait qu'on a envie de faire quelque chose à la fois de rock avec un côté brut et tout ça, tout en gardant aussi un côté mélodique. Donc voilà, c'est vraiment les deux trucs qui nous drive. Sinon la question du style et de quelles influences on a envie d'injecter dans nos morceaux, c'est quelque chose de très inconscient quoi. D'accord. C'est vrai qu'en France, on a tendance à vouloir cataloguer un petit peu tous les gens. Bon, on va dire que votre style, c'est du Seeds of Mary, donc j'espère que bientôt, ça sera une référence aussi, et que tout le monde va se reconnaître un petit peu, et puis j'espère recevoir aussi des gens ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et quand je leur poserai la question, qu'ils me répondent, voilà, nous, on est inspirés aussi par Seeds of Mary. Voilà. Très bien. Voilà, donc la question justement que j'allais vous poser tout à l'heure, tu as commencé à nous en parler un petit peu. Comment vous faites pour composer les morceaux? Donc tu m'as dit que c'était Julien qui apportait souvent une mélodie et en après gros, il arrive avec des morceaux qui sont déjà très construits, donc vraiment même un titre et tout ça, et il y a toute la base qui est là, c'est-à-dire qu'il compose les deux guitares, une basse, une batterie qui sont déjà assez complets. Après sur ça le bass-batte, forcément ils vont le retravailler et amener chacun leur patte et tout ça. Et moi, du coup, j'arrive après coup avec des propositions de mélodies vocales. Alors, pour te livrer vraiment notre tambouille, j'arrive en pré-prod avec du yaourt que j'ai écrit pour vraiment avoir des phrases rythmiques et mélodiques, quoi. Et à partir de là, il arrive que des fois, ben, ça bouge un petit peu les structures ou qu'on repense certaines parties harmoniques et compagnie, quoi. Mais voilà, en gros, le chant va pas mal déterminer les morceaux qu'on garde ou qu'on garde pas ou qu'on transforme et tout ça. Sachant que derrière ça, il y a aussi notre sixième homme, qui est David Thiers, qui nous enregistre depuis tous nos albums, qui des fois réarrange les morceaux ou nous propose des trucs en plus et tout ça. Donc lui, il fait un peu un travail de producteur au sens américain du terme, c'est-à-dire en proposant vraiment une ligne artistique et tout ça, quoi. Et voilà. Et donc c'est comme ça que les morceaux se dessinent. Et puis après, à partir du moment où les morceaux sont actés, vu qu'on a ce yaourt écrit, et ben on peut passer à l'écriture des textes. Qui sont généralement, vu que Julien titre les morceaux, des fois on garde le titre et puis on part sur cette base-là, soit des fois ça part complètement ailleurs, mais c'est rare. Généralement, les titres et les ambiances des morceaux sont assez cohérents, donc ça sert souvent de base d'inspiration pour écrire le texte. D'accord. Donc vous interprétez les morceaux en anglais, ça veut dire que vous apportez beaucoup d'importance à la sonorité de la langue anglaise, je suppose. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que ça reste la langue du rock, et ils sont bien rares les groupes francophones à vraiment réussir à être percutants, je trouve. Même s'il y en a, hein. Oui, il y en a qui le font très bien, mais sûr qu'après c'est un choix. Vous avez choisi la langue du rock'n'roll. C'est un peu comme le flamenco, c'est l'espagnol, et puis le fado, c'est le portugais. Voilà. Le rock'n'roll, c'est quand même à l'origine la langue anglaise. Et justement, qu'est-ce que vous mettez dans vos paroles? Est-ce qu'il y a des sujets que vous abordez particulièrement ou alors c'est comme ça? Oui, comme je te dis, voilà, on est pas mal. Généralement, on est pas mal sur cette espèce de rapport entre l'homme avec un grand H, hein, l'homme et la femme, bien sûr, et son environnement et le rapport au vivant. C'est finalement des choses qui sont très dans l'air du temps, hein, mais qui sont finalement très universelles. Et donc, ça peut être le rapport à la mort, le rapport à l'amour. Tu vois, notre dernier album s'appelle Love. Donc, Love, ouais. On a décliné ce thème sur un peu tous ces contours, quoi, et tous ces aspects, y compris parfois les plus sombres et tout. On a tous vécu des drames amoureux et tout ça, donc c'est vrai que love, comme ça, amour, a une connotation très romantique et tout ça, mais on sait à quel point ça peut être destructeur et compagnie. Donc c'est un peu finalement une façon d'aborder tous les sentiments humains et en gros le rapport entre l'homme et la machine, j'entends par là tout ce qu'il a autour de lui, quoi, parce qu'on est quand même une foultitude d'éléments vivants interconnectés qui communiquent les uns avec les autres en permanence. Donc il est beaucoup question de ça, en fait, quoi. Donc te tracer des grandes lignes là de ce qu'on raconte, c'est pas évident, mais généralement on est beaucoup sur les sentiments humains et sur un rapport un rapport à la vie, un rapport voilà, à la mort. Enfin, voilà, c'est très vague hein, ce que je te dis là, mais j'invite tout le monde à se pencher sur les textes, parce que c'est vrai que nous, pour le coup, c'est un travail sur lequel on se donne pas mal de mal, parce qu'on a beau chanter en anglais, on a envie de dire des choses intéressantes, quoi, et on se casse quand même bien la tête là-dessus. Et je pense que dans le rock et même dans la musique anglophone de manière générale, les gens sont pas forcément toujours ultra curieux des textes. Mais du coup, ben, j'encourage les gens à lire les livrets en écoutant les morceaux. Moi, je sais qu'il m'est arrivé de vraiment redécouvrir des groupes comme ça en, ben, en voyant un petit peu de plus près ce qu'ils racontent, quoi. Et ça donne souvent une, ça peut donner une, encore une plus-value importante au groupe, je trouve, et au morceau. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à dire, voilà, quand on chante en anglais, on s'en fout un petit peu des paroles, ça sonne bien et puis c'est tout. Et c'est vrai qu'il y a certaines chansons, on n'en citera pas, mais où ça veut pas dire grand-chose, ça sonne bien et puis c'est tout. Hein, ouais. Basta. Ouais. Et après, il y a heureusement, il y a des très beaux textes aussi de certaines chansons en anglais. Sûr. Et donc vous, c'est plutôt ce que vous avez envie d'obtenir, c'est-à-dire dire vraiment quelque chose de bien et puis le dire d'une bonne manière, parce que c'est pas toujours facile non plus de le faire en anglais. Vous êtes tous bilingues ou comment ça se passe? Non, écoute, on écrit essentiellement à deux, donc Julien et moi. Julien, lui, est prof d'anglais, donc il est parfaitement bilingue. Donc dans, ça mon, aide, dans, dans, dans mon cas, c'est plus compliqué. Donc dans ces phases-là, je m'arrache les cheveux et je passe des journées entières sur des traducteurs. Et heureusement, lui, après, il est là pour m'aider, donc je lui envoie mes copies pour qu'il les corrige. Avec le temps, il y a de moins en moins de fautes, donc c'est bien, ça m'a fait améliorer mon anglais. Mais alors, pour ma part, c'est un gros travail, ouais, à chaque fois. L'angoisse de la page blanche, c'est vraiment un truc auquel je me suis confronté. Qui peut être très frustrant et douloureux, mais voilà. Mais Julien, lui, est parfaitement bilingue, ouais. Donc c'est un bon allié. Même quand c'est moi qui écris et qui galère, il est là pour m'assister. Il nous est arrivé d'écrire à deux aussi, et par le passé, il nous est arrivé d'écrire à quatre mains aussi avec d'autres membres qui sont plus là maintenant. Donc voilà. Mais on est essentiellement Julien et moi. Très bien. Quel serait le plus grand délire artistique que vous aimeriez réaliser, par exemple, pour l'année 2025 ou dans les années suivantes? Par exemple, une tournée américaine, un concert avec d'autres artistes. Est-ce que vous avez un gros délire comme ça que vous aimeriez réaliser dans l'avenir? Écoute, c'est une très bonne question. Je sais que c'est pas toujours évident, parce que là, on s'est pas préparé, donc là, je vous sors ça comme ça, donc c'est pas toujours évident de répondre. Je vais essayer de rester un petit peu réaliste, pas te sortir une tournée avec Metallica, mais je sais pas, pourquoi pas. Je réfléchisse un petit peu dans les projets qu'on a. Dans les projets. Déjà, ouais, peut-être développer un peu plus l'international, sans forcément, sans parler de faire des tournées de Zénith ou quoi, tu vois. Mais là, comme je te disais, c'est nos premières dates en Espagne, et c'est vrai qu'on a bien envie de développer un peu l'international, même ne serait-ce que l'Europe. Mais sinon, je pense qu'un truc qui pourrait être cool, on aime bien tourner des clips, on en tourne assez régulièrement et tout ça. Et ça fait un petit moment qu'on parle de faire une espèce de clip presque un peu au court-métrage, tu vois, avec des parties un peu scénarisées et tout ça. Et avec, au milieu, l'intervention de la partie vraiment musicale et tout ça. Donc ça pourrait être un truc vraiment cool. Est-ce que ce sera pour 2025? J'en sais rien. Mais si ça se trouve, ça va me stimuler ton histoire là, et je vais avoir envie d'y réfléchir plus sérieusement. Donc voilà, écoute, je vais te répondre à ça. Ok. Je voulais savoir, vous avez sorti combien d'albums jusqu'à présent? Là, c'est notre quatrième et on a aussi sorti deux EP. Est-ce qu'on peut encore se les procurer tous ou il y en a certains qui sont déjà épuisés? Si, là on les a tous. Ouais. Vous les avez tous, oh, super. Ouais. Où est-ce le tout premier qui est qui est notre premier OP, c'est un 7 titres, lui je crois qu'il est plus dispo. Ouais. D'accord. sinon, on peut vous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement, les choses comme ça, non? De téléchargement, je sais pas, mais d'écoute, oui. D'écoute, oui, par exemple, en streaming, etc. On est sur Spotify, Deezer, tout ça, ouais. D'accord. Amazon, ouais. Et les CD existent aussi en physique, non? Ouais, absolument, et ça c'est trouvable sur Bandcamp. Mmh. Et on peut nous trouver aussi, je crois, on est distribué dans les Fnac et compagnie, si des gens tiennent absolument à débourser 18 euros pour nous avoir, mais sinon c'est moins cher sur notre Bandcamp. D'accord. Et il y a aussi la possibilité de se les procurer lors des concerts, non? Bien sûr. On aura tout ça le 25 janvier au Dropkick. D'accord. On aura tout. Est-ce que vous aimez quand les gens à la fin des concerts viennent vous voir pour discuter avec vous? Ouais. J'avoue que c'est le côté dédicace d'album qui des fois me saoule un peu, parce que justement on n'a pas le temps de parler, on sort de scène, on est rincé et tout. Ouais. Mais à côté de ça, par contre, oui, enfin nous ça fait partie du plaisir de tourner et tout, c'est qu'on rencontre plein de gens et y a vraiment un truc très chouette qui se fait avec les gens dans ces moments-là, après qu'on est tous sués et qu'on boive une bière ensemble et tout. Ça c'est super, et sachant que voilà, nous on est vraiment dans un truc que ce soit avec les gens du public, avec les orgas, avec les autres groupes et tout, on est vraiment avant tout dans une optique de se faire des copains en fait quoi, de développer des trucs humains quoi. Donc oui bien sûr, on est très accessible. Bah nous dans l'émission on appelle ça l'esprit mavrica, hein, donc voilà, on est bien justement. La musique bon c'est quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qui nous rapproche tous et c'est aussi un prétexte pour justement rencontrer des personnes et passer des bons moments avec eux. Donc ça c'est ça le plus important. Donc je pense qu'on est exactement dans la même optique et c'est ça le plus important. Alors ce que je voulais dire aussi par rapport on a fait l'interview aujourd'hui, hein, on est le 3 janvier. Alors que le concert n'a lieu que le 25 mai. Pourquoi ? Parce que justement, pendant 3 semaines, je suis pas là dans l'émission. Donc il y aura quand même une émission avec une playlist, etc. Mais je serai pas présent dans les studios. Par contre, le jour du concert, bah, j'espère bien vous retrouver là-haut et puis on passera un petit moment ensemble. Alors. Carrément. Très bien. Autre chose à rajouter qu'on n'aurait pas dit. Par exemple, si on veut vous contacter, vous avez un Facebook, vous avez un site. Oui. Il y a tout. Il y a moyen de contacter sans problème. Donc, on répond et voilà quoi. J'ai aussi quelque chose à vous faire passer. J'ai un bonjour à vous faire passer de Didier Thibault. Vous le connaissez ? Yes, ben écoute, oui, tout à fait. je lui ai réécrit hier, je crois. D'accord. Hey, on passe chez Albino demain. Qu'on sait que tu nous fais passer toi aussi. Donc, ben écoute, c'est gentil de sa part. Ouais, parce que ça Didier, va. C'est voilà, il a une histoire aussi dans l'émission Mavrica. Pendant plusieurs années, il a été mon assistant. On était tous les deux pendant pas mal de temps. Puis aujourd'hui, il fait cavalier seul dans une autre radio, voilà. Mais bon, il est parti passer à autre chose. Mais bon, on a toujours des bons contacts et on se retrouve souvent à des concerts, c'est toujours un grand plaisir de se retrouver tous ensemble en tout cas. Donc, c'est grâce à lui que je t'ai contacté, tu vois. C'est bah voilà, très bien. Il m'a conseillé de t'écrire. Très bien, encore, je me suis dit, ça pouvait être aussi par l'intermédiaire de l'esprit d'escalier ou d'autres groupes qui le connaissent, mais bon, tu as très bien fait en tout cas, parce que moi j'aime bien je suis de la culture rock'n'roll, j'aime bien le rock'n'roll, etc. Et ce que vous faites est super bien fait, ça me fait vraiment plaisir. En plus, vous m'avez envoyé l'album que je vais écouter. Bon, je l'ai écouté rapidement, mais je l'ai reçu que hier ou voilà. Donc en vacances, donc je t'avoue, le moindre mail envoyé, c'était un calvaire pour moi. Donc je l'ai fait hier. En catastrophe, faut que j'envoie l'album. Voilà. Mais c'est pas un souci, je vais prendre le temps de réécouter à nouveau, et puis on va continuer à en diffuser quelques-uns dans l'émission, on en a déjà diffusé un en début d'émission, on va en diffuser un juste là, et puis on va en garder un autre pour la fin d'émission, on va faire comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé, hein, parce que c'est toi qui m'a contacté, et on s'est fait un petit rencard pour pouvoir faire cette interview par téléphone dans l'émission Mavrica, et puis un jour, vous viendrez j'espère dans le studio. Alors il faut savoir que dans l'émission Mavrica on reçoit des artistes, ils ont même la possibilité de jouer en live, donc bon après c'est pas comme dans un concert, hein. On peut pas faire trop de bruit parce qu'on a des voisins, mais on a la possibilité de jouer en acoustique ou faire un petit truc bien sympa en tout cas. L'invitation est faite et on se retrouve de toute façon le 25 et puis on essaie de voir pour une prochaine fois alors. Ça marche, c'est avec grand plaisir. Écoute, merci pour ton accueil, c'était très cool. Et puis on se voit le 25 au plus tard. Ouais. Voilà, on va écouter un morceau qui s'appelle Spiral Meltdown. Excuse-moi pour mon anglais, parce que je t'en prie. Je suis plus fort en espagnol. Hein. Et tu veux nous parler un petit peu de ce titre-là ? Écoute, oui, c'est pour ce dernier album là, c'est le premier titre qu'on a pré-prodé. D'accord. Donc sur lequel on a travaillé, notamment sur lequel on a posé les voix, et donc tout de suite ça a posé quelque chose de OK, on se dirige vers quelque chose de plus brutal et tout ça. Je sais pas si t'as eu le loisir d'écouter nos précédents albums, mais qui étaient quand même plus rock et plus gentil quoi dans l'approche. D'accord. Je vais prendre le temps de le faire en tout cas. Ça roule. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a fait ce morceau, on s'est dit bon, OK, là visiblement on se dirige vers quelque chose de plus bourrin. Donc voilà, il se trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on voulait, donc ça nous allait très bien. C'est en gros un morceau qui parle de dépression, en gros de quelqu'un qui s'enferme, qui communique plus avec l'extérieur et puis qui s'enfonce donc dans cette espèce de spirale qui le tire vers le bas. Et pour la petite histoire, on a fait un clip sur ce morceau que je vous invite à aller voir. Et puis voilà, écoute. Bah, très bien en tout cas, on va écouter ce morceau-là et puis j'espère qu'on a donné envie aux auditeurs d'aller vous voir le 25 janvier donc au Dropkick avec deux autres groupes, le groupe Lizard et le groupe Esprit d'Escalier. Donc l'interview c'était Seeds of Mary pour ceux qui auraient loupé, hein, parce que c'est vrai qu'on l'a pas rappelé pendant l'interview, mais donc l'interview de Seeds of Mary par téléphone. Donc actuellement là tu es à Bordeaux, c'est ça? Enfin, moi, j'habite à la campagne maintenant, mais d'accord. La campagne girondine, ouais, tout à fait. Et je me permets aussi, c'est Lizard, le groupe. Lizard. Avec voilà. Nous, voilà. Moi, je prononce mal. Qui était venu à Orléans, il m'avait dit il y a 2 ans, je crois, avec Clone. Donc voilà, pour ceux qui étaient à ce concert, eh bien, revenez. D'accord. Et puis ceux qui n'y étaient pas, venez aussi. Venez. faut vraiment venir. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Et puis donc on se dit à très bientôt. Et puis en attendant, on va écouter un peu de bonne musique et on va continuer donc avec Seeds of Mary, Spiral Me Down. Merci beaucoup et puis à très bientôt alors. Bonne Allez, soirée, bonne soirée et bonne année encore. Bonne année carrément. Allez, ciao. Allez, bye. Thank you.

Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel, on est là pour vous accompagner tout au long de l'année et on commence bien cette année 2025. J'espère que ça sera une excellente année pour vous. En tout cas, restez avec nous, on écoute que de la bonne musique. On est en train d'écouter un groupe qui s'appelle Sky Oddity. Alors, ils nous envoient régulièrement tous leurs morceaux, c'est vraiment fantastique. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils viennent aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous partager un petit peu leur musique et puis discuter un petit peu avec eux tout simplement. Sky Oddity avec No Mercy, No Sympathy. Juste avant, c'était de Sound Comets, encore un groupe qui m'a promis de venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et j'espère bien qu'ils vont venir. Hein. J'ai eu l'occasion de les voir en concert et franchement, des bons musiciens, une belle voix. Et le morceau qu'on écoutait s'appelle When I'm Gone. Encore avant, c'était un groupe qui est déjà venu à plusieurs reprises. Hein. D'ailleurs, il est venu il y a quelques années et puis pendant un petit moment, ils n'étaient plus là. Ils sont revenus il y a quelques temps. Il s'agit du groupe Full System. On écoute un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Oasis. Et encore avant, c'était Seeds of Mary, Spiral Me Down. J'espère que vous avez pu écouter l'interview. On a fait une interview avec Jérém, le chanteur du groupe Speed. Le Seeds of Mary, pardon. Et si vous l'avez loupé, ben ne vous inquiétez pas, il y aura le podcast. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais remercier notre ami Florent qui nous fait le podcast de toutes les émissions. D'ailleurs, j'ai partagé il y a pas très longtemps sur le Facebook de l'émission le lien pour écouter ou télécharger l'émission précédente, donc de la semaine dernière. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis présent hein, donc pour cette ouverture de l'année 2025. Mais pendant 3 semaines, je serai absent. Par contre, vous pourrez écouter l'émission quand même, puisque il y aura une playlist, donc ça sera un ordinateur, c'est bien la magie de la technologie. Même quand il n'y a pas d'animateur, il y a quand même les artistes de l'émission Mavrika qui seront diffusés sur Radio Arc-en-Ciel. Merci Radio Arc-en-Ciel. En tout cas, on va continuer avec un autre groupe qui m'a aussi promis de venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit du groupe Kaisaria, un groupe de la région de Strasbourg, il me semble. En tout cas, ils sont de l'Est de la France et ils m'ont dit que quand ils viendraient faire un concert sur Orléans, quand ils reviendront, parce que j'ai déjà eu l'occasion de les rencontrer, ils passeront dans l'émission Mavrika et ça sera vraiment un grand plaisir parce que franchement c'est des bêtes de scène et c'est des gens qui sont super agréables. On va écouter donc Kaisaria avec un morceau que tout le monde connaît. D'ailleurs, j'ai même pas le présenter, vous allez le reconnaître par vous-même. Je suis sûr que vous avez reconnu, s'il s'agit d'une reprise de Bronski Beat qui s'appelle Small Town Boys, et c'est le groupe Kaizaria sur Radio Arc-en-Ciel. C'est ici que vous écoutez les meilleurs artistes, voilà, les vrais artistes, ceux qui tournent, qui vont faire des concerts dans les villes, dans les salles. Allez les voir, il faut vraiment les encourager, il faut vraiment aller les applaudir, parce que c'est ça. Les vrais artistes. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Marika, et on va continuer avec un autre groupe, un groupe qui tourne lui aussi énormément, et c'est sûrement pas eux qui vont me contrarier. Salut, c'est la Jari. Vous écoutez Albino dans l'émission Marika sur Arc-en-Ciel. Cauchemarder. Je vais pas vous le cacher, je pense que ça sera trop difficile. Vous savez que j'adore ce groupe-là. Il s'agit du groupe La Jari, Où sont passés mes rêves. Et bonne nouvelle, justement, on devrait les recevoir très bientôt dans le cours du mois de février 2025. Donc restez sur Radio Arc-en-Ciel, écoutez l'émission Mavrika tous les vendredis soirs. Vous retrouverez là les meilleurs artistes de la région. Ils étaient chez nous il n'y a pas très longtemps, la tournée du Baron, avec la tournée du Baron. Lève son verre, elle monte le son. Le plaisir est offert, c'est la tournée du Baron. La bouteille à la main, on balance une chanson. Et goûte à ce refrain, c'est la tournée du Baron. On se prend pas pour des stars, mais l'interview goûté. Tout celle qui est bon, c'est bon, il manque des pieds. Comme les vers que je chante, auquel il manque des pieds. Et tiens, qui t'a parlé de verre, le mien est vide. Par où c'est à tourner, ma gorge devient ride. Le voilà notre cachet, on le paye en liquide. Il suffit d'un fichet et le jeu devient fluide. Le plaisir est offert, c'est la tournée du Baron. La bouteille à la main, on balance une chanson. Et goûte à ce refrain, c'est la tournée du Baron. Ok, j'ai pas la voix de Freddie Mercury. À la guitare, c'est pas Hendrix ou Chuck Berry. C'est pas notre intention de remplir l'Olympia. Pour la télévision, on n'a pas le bon format. On gagnera pas d'argent et oh, on s'en fiche. Souvent j'ai un public de niche. Et là je suis sincère, c'est pas pour dénigrer. Mais au dernier concert, seul mon chien est resté. Lève ton verre et monte le son. Le plaisir est offert, c'est la tournée du Baron. La

ces années de folie collective et d'autodestruction, je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Des populations jetées sur les routes, des enfants jetés dans la guerre, des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans les cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. Colère à Dieu sur le désespoir, près de lumière plongeant dans le noir. La victime d'une croyance aveuglée, fille à ton rêve de princesse oubliée. Groupe Turn-Off sur Radio Arc-en-Ciel avec Princesse sous les bombes. Juste avant, c'était l'excellent groupe Comintern Sect, avoir 20 ans. Voilà un groupe que je connais depuis de nombreuses années, qui avait fait leur retour il y a quelques temps et qui malheureusement ne va pas durer très longtemps. Mais bon, quelque part, on a de très bons enregistrements qu'on continuera à diffuser dans l'émission Mavrika. Juste avant, c'était Chaparville. Voilà un enregistrement que nous seuls avons. C'était un enregistrement qui a été fait ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de leur passage, une reprise de Jimi Hendrix qui s'appelle Foxtail Lady. Et encore avant, c'était la tournée du Baron avec la tournée du Baron. Voilà, tout simplement. On va continuer avec un autre groupe qui est venu il y a quelques années déjà dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ça fait un petit moment d'ailleurs. S'ils ont de l'actualité, ça serait bien qu'ils viennent aussi. Mais je sais qu'ils avaient aussi d'autres choses à faire en parallèle et tout ça. Donc bon, en attendant, l'invitation est faite. Il s'agit du groupe Dirty Charlie. Le morceau que je vous propose d'écouter maintenant s'appelle L'or et le sabre. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et vous êtes en compagnie d'Albino. Le son est divin, la plupart l'ignorent, il me menace sur le terrain d'un maître sculpteur d'or. Guerriers s'y retrouvent autour des flammes où l'on forge et aiguise les précieuses lames. À mon tour, j'ai appris à frapper le métal et imprimer mon rythme à l'imprégné de mon âme. Peaufiner ma technique, faire fuser les syllabes. J'étais prêt à jaillir, mais il me manquait une arme. Terré dans mon trou, la plonge dans le taf. J'ai trimé trait par trait, trouvé la trame. Et la terre théorise, télorise à la trappe. Il me manquait un truc, pas d'antique, trouvant le trac. Je marcherai, entouré en combattant, se battre, respirer. Si l'on m'approche, je tomberai la terre entre les pattes. Le cœur sur la main gauche, je fais pas la à droite. Le médecin de

around me. As I'm getting closer and closer, and I still the sound to me like a deathly symphony. Till the sky, the burning air, crashing along into the fray, crushing time and pain and mood. Mama, please let me come back home. I'm the little boy. Little boy. Just come into the world. I'm the little boy. Little boy. Let's party later. Mama, you gave birth to death. Why am I supposed to die? Why am I supposed to bring pain? Don't you know they are alive? Until the sky, the burning air, pushing the love into the fray. Fracture time and fair food. Mama, please, let me come back home, yeah. I'm the little boy. Little boy. The one and only. That your heavy stone, I fell down. Yeah. Le groupe Seeds of Mary qu'on a eu tout à l'heure en interview depuis la Gironde, hein, puisque c'est un groupe de Bordeaux, il sera présent en concert ici au Dropkick à Orléans le 25 janvier. Donc venez, il y aura aussi Blizzard et il y aura aussi le groupe Esprit d'Escalier, un groupe que nous connaissons bien d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on les a pas vus, ce serait bien qu'ils reviennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous raconter la suite de leurs aventures. Juste avant c'était Hype Me, un groupe que nous avons reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel à deux reprises, hein, si je ne me trompe pas. Et le morceau qu'on a écouté, c'est Little Boy. Encore avant, c'était une version en concert d'une chanson que je connaissais pas trop, du groupe Red Daff, qui s'appelle Dans ton lit. Donc c'est toujours un plaisir d'écouter le groupe Red Daff. Encore avant, c'était Dirty Charlie avec L'or et le sabre. Encore avant, c'était Turn Off avec Princesse sous les bombes. Et encore avant, c'était le groupe Common Sense avec un morceau qui s'appelle Avoir 20 ans. Voilà, on est dans l'émission Mavrica, le temps passe très très vite, nous avons encore beaucoup de bonne musique à diffuser, encore une petite demi-heure, un petit peu plus d'une demi-heure ensemble, et je vous propose d'écouter un groupe que nous avons reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission numéro 609. Ça vous dit quelque chose? Il s'agit du groupe Deep Turtle, et on va écouter un morceau qu'ils ont interprété, une reprise du groupe Noir Désir, ça s'appelle Comme et Viens. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica, on est ensemble jusqu'à 22h. As-tu changé en roi, à hurler à la lune, à traquer la fortune, tout ça très son poids, au risque de s'y plaire, au moment de s'y croire, sonner le courant d'air, faites tourner. Dans cette putain de vie, tu

On a écouté Seed of Mary avec Paradise, le groupe Deep Turtle avec Comme elle vient, une reprise de Noir Désir dans l'émission numéro 609. On a écouté aussi Claire en solo, hein, qui est simplement la bassiste du groupe Deep Turtles. Elle fait aussi quelques chansons en solo, et on a écouté une chanson qui s'appelle Tu es parti. Et à l'instant, c'est le groupe No More Back avec un titre qui s'appelle Justice. On va continuer avec un autre groupe que j'ai déjà diffusé dans les précédentes émissions. Alors c'est un groupe que j'ai reçu il y a plus d'une dizaine d'années, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de succès, beaucoup de gens m'avaient dit franchement c'était super bien. C'est le groupe 100 Miles. Alors habituellement je vous ai passé le morceau Falling Star en acoustique, la version de l'album, et cette fois-ci j'ai envie de vous passer un autre morceau. Ça s'appelle Bring Me Back Home. C'est le groupe 100 Miles sur Radio Arc-en-Ciel. Franchement, c'est vrai que c'est un très bon morceau. Ça m'étonne pas que ça nous manque un petit peu. Le groupe 100 Miles avec Bring Me Home. Bring Me Back Home. Voilà. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et on va continuer avec de la bonne musique. Il y a aussi un autre groupe qu'on regrette beaucoup. Hein, on lui doit voix la fameuse chanson Mavrika, vous savez, celle qu'on a enregistrée avec une vingtaine d'artistes différents de plusieurs groupes, hein, de tous les styles. On avait enregistré ça dans un studio émergence à Châteauneuf-sur-Loire, et cette chanson-là, c'était eux qui nous l'avaient écrite, c'est le groupe Les Garens, et je vous propose d'écouter un morceau que j'aime beaucoup de ce groupe-là, et je suis en train de chercher le nom, très simplement, voilà. Alors, le titre, c'est Tolérance Zéro. Je l'ai diffusé pas mal de deux fois dans l'émission Mavrika. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Et écoutez bien les paroles. Je pense que ils ont tout dit dans cette chanson-là. On peut croire ce qu'on veut et tout ça. Ce qu'il faut, c'est être tolérant les uns avec les autres. Et c'est comme ça qu'on arrivera tous à vivre ensemble. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrika. Profitez-en parce que la semaine prochaine, je serai pas là. Et la semaine suivante non plus. Et la semaine suivante non plus. Mais ne vous inquiétez pas. Il y aura quand même une émission Mavrika puisque grâce à la technologie, grâce à la magie de la technique, vous allez pouvoir écouter les artistes Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel de 19h à 22h. Souvenir avec les Garens, ils sont venus de nombreuses fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Malheureusement, le groupe aujourd'hui n'existe plus, hein. Vous savez, c'est comme ça la vie. Les groupes apparaissent, ils disparaissent. En tout cas, ils nous ont laissé de très bons enregistrements. Tolérance zéro, un message de paix, voilà, entre tous les peuples. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et en tout cas, les membres du groupe, ils continuent dans d'autres formations, hein, certains. Et puis d'autres, ils sont passés à autre chose. Mais je sais que Christophe, le chanteur, m'avait dit un jour que ça de démanger un petit peu, de revenir chanter. Et ben, s'il a envie de revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, en tout cas, il est toujours le bienvenu. Le groupe Les Garennes avec Tolérance Zéro. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Ben, ce que je vais faire, je vais vous dire tout de suite les phrases magiques. Hein. Vous le savez, dans l'émission Mavrika, on dit toujours les mêmes phrases. Et parce que ce sont des phrases importantes, que le rock and roll soit avec vous, ça c'est la première chose. Everything is gonna be alright, ça c'est un message d'espoir, surtout pour l'année 2025. Et puis troisième chose, c'est une vie sans musique serait une erreur. Donc écoutez Radio Arc-en-Ciel, écoutez, hein, quels que soient les animateurs, vous allez toujours découvrir de bonnes choses, parce que les animateurs de Radio Arc-en-Ciel font le choix de choisir justement les meilleures chansons. Hein. Il y a que deux types de musique, il y a la bonne et la mauvaise, et sur Radio Arc-en-Ciel, c'est que la bonne, quel que soit le style. Voilà, on est encore ensemble pour quelques morceaux, on va encore écouter quelques bonnes choses, et puis après, donc on se donne rendez-vous dans 3 semaines, mais dans 4 semaines, mais n'oubliez pas que de toute façon, l'émission Mavrika continue sur Radio Arc-en-Ciel, et surtout restez calés, 96.2 MHz. On va écouter juste après un artiste qui est venu déjà à 4 reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais ça commence à faire un petit moment, donc s'il a envie de revenir, il est toujours le bienvenu. Il s'appelle Hervé, Hervé sans H, hein, puisque c'est comme ça qu'on l'écrit à la manière bretonne. Il nous vient de Brest, il s'appelle Hervé Deroff, et Hervé Deroff, il nous a fait de très belles chansons, de très belles paroles, de très belles mélodies, et là je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Une histoire simple, et c'est notre ami Hervé Deroff. Ta vie. Si Donner de grands déserts, financer, construire des puits. Et ce putain d'hélicoptère qui s'est crashé au Mali. Un chanteur avec un cœur, c'était ton état d'esprit. Engagé pendant des heures aux côtés des malotis. Abreuvé de ton amour, un continent qui depuis pleure pour te voir de retour, mais aussi implore la pluie. Daniel, ton nom résonne jusqu'au Sahel. Parti avec ton ami Thierry, la paix de ta famille et puis la haine que j'ai depuis que t'as perdu la vie. Daniel, tes chansons sont des pavés. Éternel, l'image d'un homme engagé. On t'aime, et ça rien ne pourra le changer. Cruel, et le destin qui t'a frappé. La sécheresse d'un continent aura mouillé tous les yeux. Bon nombre de ces enfants, quand tu nous as dit adieu. Jérémy n'avait qu'un an, son cœur s'est fendu en deux. Compris, il parle de Daniel Balavoine, donc un artiste qui a disparu, et on disait qu'il avait une grande gueule, qu'il disait beaucoup de choses, en tout cas, il voulait aider vraiment les gens, et puis il a disparu dans des circonstances un petit peu particulières, avec la chute d'un hélicoptère. C'est notre ami Éric Torel, un artiste que nous avons reçu à plusieurs reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qui aujourd'hui fait plus que de la musique pour lui, mais en attendant, on avait passé de très bons moments. Juste avant, c'était Hervé Deroff avec Une histoire simple, et je vous propose de retrouver une autre personne, un ami qui est venu ici il y a beaucoup moins de temps, donc c'était l'année dernière, notre ami Alex Le Bail, voilà, et je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Éphémère. Vous êtes dans l'émission Mavrika, et après on écoutera un petit morceau du groupe que nous avons interviewé vers les 20h, il s'agit du groupe Seeds of Mary, et ce groupe sera en concert le 25 janvier au Dropkick. Donc je vous conseille d'aller les voir et aller voir tous les artistes, hein, tous ceux que je diffuse dans l'émission Mavrica. Lorsqu'il y a des concerts, allez-y, allez les encourager, c'est vraiment nécessaire, hein, je vous dirais, hein, comme ça, parce que c'est de ça qu'ils vivent, les artistes en général, hein, donc et principalement ceux qui viennent dans l'émission Mavrica. Ça, c'est ça le plus important. On écoute Alex Lebaille avec Éphémère. Je me sens seul, isolé dans mes songes, de ce qui me retient, voilà que tout s'effondre. Seul, éphémère, engendré si loin de mes pères. Éphémère, je m'en remets à toi. Éphémère, je m'en remets à toi. La trêve s'achève. La prière n'en est que ternie. Prends mon cœur, ma vie et mon âme. C'est ce destin hostile qui nous charme. À chaque seconde, déchiré d'une peine alourdie, ma rengaine m'invite dans son lit. Une fois de plus, je suis seul. Monsieur Alex Lebaille avec Éphémère, voilà une voix qu'on aime beaucoup, en tout cas un artiste super sympathique, et on le reçoit avec beaucoup de plaisir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel quand il veut, il n'y a pas de problème. Voilà, on arrive à la fin de cette émission, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Justement, je ne serai pas dans le studio, mais il y aura quand même une émission Mavrica, il y aura trois semaines comme ça, et on se retrouvera donc à la fin du mois pour une émission avec des invités, j'espère. D'ici là, on a le temps d'en discuter. En tout cas, merci à tous ceux qui sont intervenus sur la page Facebook de l'émission Mavrica. Beaucoup de commentaires. On voit que vous êtes en forme pour l'année 2025. J'espère que ça va continuer comme ça encore 12 mois. Voilà, tout simplement. Et après, on passera en 2026, hein, bien évidemment. Donc, que cette année soit meilleure que la précédente, et ainsi de suite, qu'on aille vers un monde meilleur. Donc, everything is gonna be alright. Cette émission Mavrica se termine et on va se quitter avec Seeds of Mary, un morceau qui s'appelle Insomnia, et voilà ce que je peux vous dire aussi, c'est une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine, et à très bientôt. L'émission Mavrica numéro 621 est terminée. À très bientôt. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Está no Alberto, Alberto a bola para o Caio, Caio para Alberto, e está o Vitória, meio campo de ataque.